vous amène aux rencontres ? Moi, c'est le plaisir de voir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres contrées, entre guillemets, et de visiter la France, pour toute sa diversité. Alors, Adrien, je suis maraîcher bio, installé avec Fanny depuis 9 ans en Gironde. Pour nous, c'est un moyen de couper, de sortir un petit peu de la ferme et puis de prendre le temps de la réflexion et de rencontrer d'autres personnes et surtout de re-réfléchir et se re-questionner sur notre projet pour éventuellement le faire évoluer. Je suis exploitante sur la Haute-Garonne, en zone de montagne, en élevage. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de parler de notre ferme, d'entendre parler d'autres fermes qui ont souvent les mêmes problématiques que nous. On est donc moins isolés. Et la thématique, elle t'évoque quoi ça pour toi ? La thématique, pour moi, revisiter actuellement ma ferme, c'est envisager la transmission de mon exploitation pour qu'elle ne parte pas à l'agrandissement des exploitations qu'il y a autour de chez moi. Ben, je m'appelle Ludovic Brunet, voilà, on est sur la commune de Montgaillard de Salis. Je suis producteur de lait. Bah, on est toujours dans ce métier de passion qui est à la fois très prenant et qui des fois peut quand même générer certaines frustrations, certains besoins d'aller plus loin. Bah, on est toujours en recherche de bien-être et sur notre ferme. Alors on a déjà fait beaucoup de progrès avec les différentes interafogues. Et là, on ne sait pas ce qu'on va encore mettre en œuvre directement, mais on a rencontré des gens, on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, donc c'est plein de graines qui ont été semées. Il y en a qui vont germer un peu plus tôt, d'autres qui vont peut-être rester en dormance et germer un peu plus tard, mais il y aura forcément des. Enfin, ça nourrit la réflexion sur notre ferme.